Bon. Alors, imaginons la situation suivante. C'est le week-end. En espagnol, on dit « el fin de semana », littéralement « la fin de semaine », « el fin de semana ». Et Pablo llega, hein, « llegar » veut dire « arriver hein, », ça s'écrit de L, E, G, A, R, hein, « llegar », »,« arriver ». Donc, Pablo llega, arrive à la maison après une soirée. Et il est « borracho hein. ».« Borracho » veut dire « sous » pour un homme. Pour une femme, c'est « borracha hein. ».« Borracho », ça ressemble un peu à « bourré hein. ». Il y a d'ailleurs deux R en français comme en espagnol. Voilà. Hein. Il est « borracho », c'est ça, « bourré », « saoul ». Comment diriez-vous « regarde » ?« Mira hein. », »,« mirar », c'est « regarder ». Donc, « regarde Pablo », il est « sous ». Mira Pablo está borracho? D'accord. Mira Pablo está borracho. On emploie está car il s'agit de dire comment il va. Hein? Comment va-t-il? Réponse, il est sous. Está borracho. Mais si quelqu'un disait Pablo es borracho, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il est toujours sous? Ouais. Ah, c'est un alcoolique. C'est un alcoolique, hein, c'est ça. Il y a une différence, donc, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que c'est un plus. Hein, c'est-à-dire, ça permet d'introduire une nuance supplémentaire hein, dans la langue espagnole. Car là où dans d'autres langues, on aura besoin de deux noms ou adjectifs différents, en espagnol, on fait la distinction grâce à ser ou estar. Donc, Pablo es borracho, c'est un alcoolique. Mm-hmm. Tandis que Pablo está borracho, ça voudra dire... Pablo est sous. Voilà.